Par principe, chez nous on prend un coup, c'est simple, on rend. Ils sont bandits, dans ton Cléo, T-Max ou même un bandit. J'appendais quand tu l'as braqué, qui l'a banqué. Pas de bandeur, d'homme dans nos bandes, on se met sous bangé. La poste, les schmicks nous barrent, la route esquive sur le trottoir, ça roule. Et ouais, que ça place, c'est une trou un peu comme dans Burnout. Better comme Vince, dans Chotas, grosse paire de couilles pour les chaudasses. La mise, tu sus, mais tu sous la fin, t'envoie de trop sauvage. Pour écrire ces centaines, va une porte pif, ils tête, on veut du pif sans en fait. Mais déter, pas sans principe, chez nous on prend un coup, c'est simple, on rend. Ils sont bandits, dans ton Cléo, T-Max ou même un bandit. J'appendais quand tu l'as braqué, qui l'a banqué. Pas de bandeur, d'homme dans nos bandes, on se met sous bangé. La poste, les schmicks nous barrent, la route esquive sur le trottoir, ça roule. Et ouais, que ça place, c'est une trou un peu comme dans Burnout. Better comme Vince, dans Chotas, grosse paire de couilles pour les chaudasses. La mise, tu sus, mais tu sous la fin, t'envoie de trop sauvage. Pour écrire ces centaines, va une porte pif, ils sans tête, on veut du pif sans en fait. Fumer des terres, pas sans tête. Au volant de ma vie, la chance me l'a mis. Ouais putain y'a trop de lâche. Ris bien j'te crache, te pète les dents sur le carrelage. Au volant de ma vie, la chance me l'a mis. Vu gang c'est trop de trash. Ouais putain y'a trop de lâche. Ris bien j'te crache, te pète les dents sur le carrelage. Préviens les ces putes, j'arrive à mille à l'heure. Tu connais le délire, plan gâti, j'arrive jamais à l'heure. En bruit j'me mêle sans réfléchir man. Du man c'est original. La dalle des mecs hal, t'inquiète si t'mets mal. On va se les faire man, coup tournevis dans le rectal. Ils m'ont trahi mais de quoi tu me parles. Fais pas le mec dans le cachet quand tu parles, ne patine pas. J'ai passé l'âge mon ami, t'as fait des fautes, assume. Dis-moi tu comptes sur qui, de toute façon ils sont rares les amis. Aussi rare qu'une fille bien, ou une fille qui nique bien. Tu veux que je t'explique, viens. Quand ça donne des pics, je suis plus poli quand je vois la police à l'ancienne. C'était pas comme ça les petits quand ils deviennent des gorilles. Je suis hors catégorie, je suis trop rapide comme Sonic. J'essaie d'esquiver les comics, c'est dans le bolide et le bully. C'est la folie, quand je rappe, ouais, tout le monde s'affole. Fais pas de la folie, tu peux te la garder ta folle. À côté de moi y'a tes tigres qui savent que c'est lourd que j'enchaîne. On veut des misses gays, je te fais pas l'amour, je te gagne putain. J'ai pas truqué les paramètres, le rap c'est comme FIFA, faut pas lâcher la manette. Doucement, devant les schmitts ils disent qu'ils disent tout ce nom. Tout ce temps les faux prennent leur place et les bons. Tout ce monde, tu demandes mais ils sortent tous talent. Tu t'es dit mais il était où ce MC pendant tout ce temps là. Au volant de ma vie, la chance me l'a mis. Vu que gang c'est trop trash, ouais putain y'a trop de lâche. Ris bien j'te crache, te pète les dents sur le carrelage. Au volant de ma vie, la chance me l'a mis. Vu que gang c'est trop trash, ouais putain y'a trop de lâche. Ris bien j'te crache.